Comme ces choses ennuyaient Frédéric, il se rapprocha des femmes. Martinon était près d'elle, debout, le chapeau sous le bras, la figure de trois quarts, et si convenable qu'il ressemblait à de la porcelaine de Sèvres. Il prit une revue des deux mondes, traînant sur la table, entre une imitation et un annuaire de Gotha, et jugea de haut un poète illustre, dit qu'il allait au conférend de Saint-François, se plaignit de son larynx, avalait de temps à autre une boule de gomme. Et cependant, parlait musique, faisait le léger. Mademoiselle Cécile, la nièce de M. d'Ambreuse, qui se brodait une paire de manchettes, le regardait, en dessous, avec ses prunelles d'un bleu pâle. Et Midjohn, l'institutrice Annie Camus, en avait lâché sa tapisserie. Toutes deux paraissaient s'écrier intérieurement « Qu'il est beau !» Madame d'Ambreuse se tourna vers lui. « Donnez-moi donc mon éventail, qui est sur cette console là-bas. Vous trompez, l'autre !» Elle se leva, et comme il revenait, ils se rencontrèrent au milieu du salon, face à face. Elle lui adressa quelques mots, vivement, des reproches sans doute, à en juger par l'expression altière de sa figure. Martinon tâchait de sourire, puis il alla se mêler au conciliabule des hommes sérieux. Madame d'Ambreuse reprit sa place, et se penchant sur le bras de son fauteuil, elle dit à Frédéric « J'ai vu quelqu'un avant-hier qui m'a parlé de vous, monsieur de Sisy. Vous le connaissez, n'est-ce pas ?»« Oui, un peu. » Tout à coup, Madame d'Ambreuse s'écria « Duchesse, ah, quel bonheur !» Et elle s'avança jusqu'à la porte, au-devant d'une vieille petite dame qui avait une robe de taffetas carmélite et un bonnet de guipure à longues pattes. Fille d'un compagnon d'exil du comte d'Artois et veuve d'un maréchal d'Empire, créée pair de France en 1830, elle tenait à l'ancienne cour comme à la nouvelle et pouvait obtenir beaucoup de choses. Ceux qui causaient debout s'écartèrent, puis reprirent leur discussion.